La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. C'est un nom qui sent bon la science-fiction, qui peut même effrayer. Il s'agit de l'antimatière. À l'origine de l'univers, la quantité de matière a été égale à l'antimatière. Et puis c'est la matière qui a triomphé. Mais où est-elle passée, cette antimatière? Son existence a bien été démontrée. Elle est même utilisée dans certaines technologies aujourd'hui. Ce soir, et ça n'est pas un poisson d'avril, le CNRS, le CEA et la Société française de physique organisent dans 15 villes françaises la première nuit de l'antimatière. Au programme donc des événements festifs, des conférences, des tables rondes et des débats pour comprendre la nature de cette antimatière. Et bien sûr, nous allons en parler dans un instant. C'est le dossier aujourd'hui de La Tête au Carré. J'attends vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Et à la une aujourd'hui, on explore l'asymétrie du cerveau. Oui, puisqu'une équipe franco-italienne publie la première cartographie fonctionnelle des hémisphères du cerveau. Gauche ou droite, chaque fonction a sa région et on fait le tour dans un instant. Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission préparée aujourd'hui par Sophie Vaux. La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà, cette nuit de l'antimatière, donc ce soir pour la première fois dans 15 villes de France. Et c'est cet après-midi le dossier de l'émission. Pour en parler, son coordinateur Guy Womser et puis les physiciennes Marie-Hélène Schun, Pauline Comini et la journaliste scientifique Azar Kaladbari. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue Guy Womser. Quelle mouche vous a piqué de vouloir organiser une nuit de l'antimatière? Écoutez, dans le micro s'il vous plaît. Nous organisons des nuits depuis 2010 en fait, des événements grand public pour transmettre notre passion de la physique des particules, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Et cette année, le thème de l'antimatière nous a paru très intéressant puisqu'il fédère en fait beaucoup de pans des recherches scientifiques actuelles dans beaucoup de domaines. C'est aussi un outil extrêmement efficace à la fois pour des objectifs scientifiques mais aussi dans la vie de tous les jours. Et donc voilà. Et nous, on a envie d'en savoir plus. Donc ça commence à 18h30. Hein, ça. Alors 18h30, il y a encore de la place dans toutes les villes en France où c'est organisé. Donc allez vite sur le site nuitdelantimatière.fr. Absolument. Il y a quelques tirets. Hein, en tapant sur le moteur de recherche, voilà, ça ressort. Sans difficulté. Azar Kaladbari, soirée festive donc, hein, qui va se dérouler au départ du Grand Rex à Paris. Donc c'est une diffusion en simultané dans toutes ces villes en France. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on doit apporter sa couette et son thermos? Alors, on peut apporter, je pense, sa couette et son thermos. Parce que c'est une petite nuit quand même, hein. Ça va se terminer pas trop tard. Oui, c'est une petite nuit. On va s'arrêter à 22h30. Mais au cours de cette soirée, donc, on va avoir des jeux, des quiz. Et puis, il y a eu un concours de nouvelles. Et donc, on va faire des voyages tout en restant assis sur notre siège au Grand Rex. On va aller au CERN et puis dans quelques autres labos qui travaillent là-dessus. Ouais, et vous serez bien entouré donc avec tous ces scientifiques qui seront évidemment présents, dont Marie-Hélène Schun. Et justement, il faut remonter aux origines de notre univers pour savoir ce qui s'est passé vraiment entre la matière et l'antimatière. Aux origines de l'univers, on sait qu'il y avait de l'énergie. Donc il y avait autant de matière que d'antimatière. Et puis, quand on regarde autour de nous, on a un univers de matière principalement. Et donc, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et voilà. Et la question, c'est une prise de pouvoir de matière. Voilà. Comment la matière a pris le pouvoir sur l'antimatière? Quelles sont les différences de comportement entre les deux qui peuvent expliquer cette différence? C'est simple comme question finalement. Ben voyons. Ouais. Ouais, bon, alors il faut évidemment faire bosser les scientifiques parce qu'on n'a pas la réponse encore à cette question pour l'instant. Et puis Pauline Comini, justement, on fait des expériences au CERN en particulier autour de l'antimatière. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir alors exactement? Alors dans le cas de l'expérience sur laquelle je travaille, qui s'appelle GEBAR, en fait, on va regarder quel est le comportement gravitationnel de l'antimatière, puisque ça, c'est une question qui n'est même pas encore tranchée. Ouais. Donc vous expérimentez, ça veut dire que vous manipulez l'antimatière? On manipule l'antimatière, ouais. Alors tous les jours, sauf en ce moment. Oui, puisque le LHC est à l'arrêt. Est en ce moment à l'arrêt. Mais sinon, oui, c'est notre lot quotidien. Et bon, voilà, ça nous intrigue quand même tout ça. Donc on va expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit. Et puis je suis sûr qu'il y aura des questions et des messages pour vous. Franceinter.fr pour parler aujourd'hui donc d'antimatière. Un peu sa fluidité. Ah, les boxeurs gauchers, c'est les pires. Faut que t'apprennes à boxer droitier. Y'a que ça qui pourra dérouter Apollo. Non, c'est trop tard pour apprendre à boxer droitier maintenant. Frappe ça sans poisson, c'est une bouche. Je peux pas me servir de l'autre. Ah, si tu fais ça, moi je te le coupe. J'espère que c'est clair dans ta tête. Et on a même du Rocky 2 dans la tête au carré aujourd'hui pour parler, s'il vous plaît, latéralisation du cerveau à la une de la science, Axel Villard. Oui, boxer droitier, boxer gaucher, crier ou pleurer, où s'activent les neurones en fonction des situations. Depuis 20 ans, les IRM fonctionnels ont permis d'enregistrer le cerveau sous toutes les coutures. Et aujourd'hui, une équipe de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière a décidé de reprendre ces travaux pour dresser la première cartographie fonctionnelle de la latéralisation du cerveau. C'est difficile à oui, dire. Oui, c'est pas facile. Moi c'est aussi, la latéralisation. Oui. Voilà. Et elle est publié cette cartographie dans la revue Nature Communication. Nous sommes avec en studio celui qui a coordonné ces recherches, Michel Thiebaud Deschotten. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche pour le CNRS au BCB Lab à Paris. Alors, quand on parle de la latéralisation fonctionnelle du cerveau, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? C'est droite-gauche, c'est tout? Oui, je vous rassure, toutes les fonctions sont traitées dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche. C'est plutôt une dominance des fonctions d'un côté ou de l'autre. C'est comme la matière et l'antimatière finalement, non? Il y a un petit excédent de chaque Quelque part, il y a un déséquilibre qui se passe, sauf que certaines fonctions sont plus à gauche et d'autres fonctions vont être plus à droite. Comment est-ce qu'on s'est rendu compte que le cerveau avait des activités particulières plutôt à gauche ou plutôt à droite? En fait, il y a deux travaux qui sont séminales pour cette découverte. Il y a le travail de Paul Broca en France au 19e siècle, qui était le premier à rapporter des patients, une multitude de patients avec une lésion du lobe frontal gauche, donc l'avant du cerveau, avec l'incapacité de parler et ne trouvait pas l'équivalent avec des lésions dans l'hémisphère droit. Et puis par la suite, il y a Roger Sperry qui en 1981 a eu le prix Nobel pour la découverte de la latéralisation des fonctions. Et il étudiait des patients qui avaient leur cerveau qui était déconnecté, leur hémisphère droit et hémisphère gauche ne pouvaient plus communiquer. Et ça donne quoi quand c'est le cas? Eh ben, en fait, il pouvait leur donner des objets à reconnaître avec la main droite ou avec la main gauche. Et quand on essaie de reconnaître un objet avec la main gauche, ça va sur l'hémisphère droit, mais l'hémisphère gauche ne peut pas dire quel objet c'est. Donc ils savent ce que c'est, mais ils ne peuvent pas dire ce que c'est. Alors comment est-ce que vous avez entrepris de construire cette cartographie complète et pourquoi surtout? À l'origine, on voulait répondre à la question si les fonctions qui sont latéralisées communiquent plus ou moins avec l'autre hémisphère. Parce qu'il y a deux hypothèses opposées sur le fonctionnement du cerveau et la latéralisation des fonctions. Mais pour y répondre, il fallait savoir quelles étaient les régions qui étaient latéralisées et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de carte et qu'on ne savait pas quelles étaient de façon globale dans le cerveau les fonctions qui étaient latéralisées. Et donc le résultat final, c'est vraiment une carte, c'est un cerveau avec des zones placées dessus, c'est comme ça qu'il faut l'imaginer? En réalité, c'est quatre cartes, parce qu'il y a quatre patterns généraux de latéralisation des fonctions. Donc on les a mis dans un espace multidimensionnel. Ça vous dit quelque chose? Quatre dimensions alors, c'est ça? C'est un espace en 151 dimensions. Ah oui. Mais on a mesuré quelle dimension était grande et significative par rapport aux autres dimensions. Et pour ça, on essaie de mettre des triangles dans cet espace multidimensionnel. Et on en a trouvé quatre qui étaient vraiment significatifs. Et c'était la communication symbolique qui inclut le langage, la perception-action, l'interaction avec l'espace autour de nous, les émotions et de façon surprenante la prise de décision qui était plus dans le lobe frontal droit que dans le lobe frontal gauche. Alors comment elles se répartissent ces quatre grandes fonctions dans le cerveau? Est-ce qu'elles sont toutes au même endroit? Non, justement, elles sont très différentes et c'est pour ça qu'on a réussi à créer cet espace. Donc le langage est bien latéralisé dans l'hémisphère gauche, mais il y en a un petit peu dans l'hémisphère droit. Perception-action, c'est plutôt frontopariétal droit. Émotion, c'est aussi frontopariétal et avec un petit peu de temporal droit. Et la décision, comme je vous l'ai dit, c'est dans le frontal droit plus que dans le frontal gauche. Donc vous obtenez une carte pour tous les êtres humains. Ça veut dire que c'est une moyenne. C'est une moyenne. Il y a beaucoup de variations d'un individu à l'autre, d'un gaucher à un droitier. Alors dans le passé, on a travaillé là-dessus sur la perception-action et on a pu voir que ces cartes de latéralisation représentent à peu près 70% de la population et on peut observer des patterns inversés. Pour le langage, l'équipe de Nathalie Tsourio-Mazoyer à Bordeaux a étudié 400 participants, 200 gauchers et 200 droitiers. Ils ont pu montrer que chez les droitiers, tous les droitiers ont le cerveau plutôt le langage plutôt représenté dans l'hémisphère gauche, mais chez les gauchers, qui représentent 10% de la population, 5% d'entre eux montraient un pattern complètement inversé, avec un hémisphère droit plus fort pour le langage. Une antisymétrie parfaite. D'accord. C'est une étude très élevée. Ça va intéresser les invités de Mathieu. Alors, est-ce qu'il y a encore des fonctions qu'on ne sait pas placer dans votre carte ou qui ne seraient pas du coup latéralisées? Alors, il y a deux limitations à cette étude. Il y a le biais des fonctions qu'on explore, c'est-à-dire que, au final, les fonctions, on les a définies en observant les patients qui avaient des lésions et en réfléchissant sur comment le cerveau fonctionne. Mais je ne pense pas qu'on ait couvert à ce jour toutes les fonctions possibles du cerveau. Et si elles n'ont pas été couvertes et s'il n'y a pas d'IRM fonctionnel, on ne peut pas les inclure dans nos cartes. Donc, il reste des choses à découvrir. C'est plutôt un résumé en fait de tout ce qui a été fait à ce jour et en quoi les fonctions qu'on a étudiées jusqu'à ce jour sont latéralisées. Alors une carte c'est avant tout un outil pour d'autres. Est-ce que vous vous attendez à ce que beaucoup de chercheurs se servent de votre travail maintenant qu'il est publié ? Alors on a mis les cartes à disposition justement pour que les chercheurs puissent construire à partir de ces cartes, voir si la latéralisation qu'ils observent appartient à l'une de ces cartes ou voir si eux-mêmes sont en train de chercher quelque chose qui est original par rapport à ce résumé de tout ce qui s'est passé dans la littérature à ce jour. Donc c'était votre but aussi. Mm-hmm. Merci beaucoup Michel Thiébaud de Chauten pour ces explications, vous qui êtes neuroscientifique, et puis donc nous on va parler asymétrie de la matière dans un instant. Voilà, petite transition. Merci beaucoup à vous. Merci. Et Axel, à demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les pollinisateurs au plus mal au Royaume-Uni, une étude menée par le Centre National d'Écologie et d'Hydrologie s'est intéressée à 353 espèces d'abeilles sauvages et insectes volants sur 30 ans. Et les résultats, comme attendu d'ailleurs, ne sont pas bons. Un tiers des espèces sont en déclin et la répartition géographique moyenne a diminué de plus d'un quart, ce qui équivaut à une perte sèche de 11 espèces par kilomètre carré. Une étude qui sonne comme un avertissement pour les auteurs qui soulignent l'importance de ces animaux pour les écosystèmes. Les sodas augmenteraient vos chances de mourir jeune, c'est une équipe en tout cas américaine qui conclut en ces termes une étude menée sur 120 000 Américains, suivie sur 30 ans. Les participants devaient tous les 4 ans répondre à un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires. Et parmi les résultats statistiques à retenir, les consommateurs réguliers donc de soda avec seulement une canette par jour auraient 21% de chances supplémentaires de succomber à une mort prématurée causée par un infarctus ou un AVC. Et puis l'histoire d'une septuagénaire super résistante, un journal médical anglais relatait la semaine dernière le cas extraordinaire de Joe Cameron qui, après une opération chirurgicale lourde, n'a signifié aucune douleur à son équipe médicale. Intrigués, les médecins ont alors regardé son passé médical et n'ont trouvé aucune trace de gêne ou de plainte après de nombreuses opérations subies dans sa vie. Et après analyse, il s'avère que cette Anglaise est tout bonnement immunisée à la douleur mais aussi au stress grâce à une mutation génétique très rare. Cette découverte servira de piste pour de nouveaux antidouleurs, déclarent les chercheurs. Allez, la première nuit de l'antimatière, c'est ce soir et dans un instant dans La Tête au Carré. Do we always love the crazy ones? Always love the crazy ones. H. Burns, c'était Crazy Ones. La tête au carré sur France Inter. À Genève, au Centre européen de recherche nucléaire, qu'on appelle en raccourci le CERN, 12 pays d'Europe ont mis en commun leurs physiciens et leur argent pour construire une gigantesque machine à casser les noyaux, la deuxième du monde. Personne ne doit rester dans l'enceinte pendant le fonctionnement. Attention, attention, danger de mort! Attention, attention, danger de mort! C'est par bouffée d'environ 1000 milliards qu'on lance des protons dans la grande machine. Ils sont d'abord accélérés dans ce canon, puis ils entrent dans l'anneau, un grand tunnel circulaire enfoui sous la Terre dont on distingue à peine la trace de l'extérieur. En quelques instants, ils atteignent la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Ils possèdent alors une énergie de 25 milliards d'électronvolts, avec laquelle ils vont frapper une cible, un morceau de métal ou de plastique. En effectuant ce travail, les physiciens du CERN ont fait une stupéfiante découverte. Ils se sont aperçus que leur grande machine peut fabriquer aussi des particules étranges, dont les caractéristiques sont contraires à celles dont est faite la matière. Des antiparticules appartenant à une antimatière aux propriétés inverses, comme une sorte de monde à l'envers. Voilà, ça c'est en 1963, une archive de l'INA dans une émission qui s'appelait Visa pour l'avenir sur le RTF. On va faire justement interroger nos invités pour commenter un petit peu cette archive à l'occasion donc de la première nuit de l'antimatière. Hein, ce soir donc dans 15 villes de France, au départ du Grand Rex à Paris, et c'est le dossier de la tête au carré pour essayer de comprendre la nature de ces mystérieuses antiparticules. Et vous nous rejoignez déjà avec beaucoup de messages sur le site de l'émission. Marie-Hélène Chune, vous êtes donc directrice de recherche CNRS au laboratoire de l'accélérateur linéaire à l'université Paris-Saclay, et vous travaillez sur une expérience en particulier au CERN. Laquelle exactement ? Alors, elle s'appelle LHCb. Oui. Donc, elle est sur le LHC, le grand collisionneur proton-proton du CERN. Et elle étudie les particules qui contiennent un quark B et aussi un quark C. C'est la physique des maisons B, c'est ça ? Oui, hein, ouais, c'est ça. C'est des hadrons. Voilà, c'est exactement le nom donné à cette machine. Pauline Comini, vous êtes physicienne, vous, à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, au CEA Paris-Saclay. Hazar Kadatbari, vous êtes journaliste à Science et Avenir, et c'est vous qui allez présenter Hazar cette soirée. Et puis Guy Wormsam, vous êtes directeur de recherche CNRS dans l'unité physique nucléaire et physique des particules. Et c'est vous donc qui coordonnez cette première nuit de l'antimatière. matière. Pauline Comini, je vous ai vu beaucoup réagir pendant l'archive qu'on entendait tout à l'heure de 1963. Oui, il y avait plusieurs choses. Alors dites-nous, pourquoi vous avez réagi? Point de vue historique, donc la machine dont ils sont en train de parler, où ils disent qu'elles accélèrent les protons à 25 milliards d'électronvolts, et bien en fait cette machine elle existe toujours, c'est le synchrotron à protons au CERN, et c'est elle qui nous envoie des faisceaux de protons qu'on va envoyer sur une cible et qui va nous donner nos antiprotons. Donc c'est toujours la même machine. Incroyable. Oui, quand même. Oui. C'est-à-dire qu'elle a fait ses preuves, elle est tout à fait utile encore pour la physique. Elle est intégrée dans la chaîne d'accélérateurs du CERN. Ouais. Voilà. Et puis l'autre chose qui nous a fait beaucoup sourire, évidemment, c'était le danger de mort. Alors on a plus cette alerte là, mais on a quand même des alarmes au niveau de la radiation. Ah oui, Marie-Hélène Schön, elle est terrifiante celle qu'on entend là. Hein. Mais bon, c'est génial cette archive parce qu'on est vraiment dans l'ambiance de l'époque, Guy Van Cerm. Hein. Oui, disons que en fait l'article parlait d'une surprise de production de l'antimatière en 1963. C'est pas tout à fait exact parce que l'antimatière a été découverte au début des années 30. Ouais. Et c'était en fait une découverte assez extraordinaire dans la mesure où elle a été découverte à la fois théoriquement et expérimentalement. C'est-à-dire qu'elle est sortie des résultats d'une équation du physicien anglais Paul Dirac, qui a écrit en 1928 l'équation qui décrit le mouvement d'un électron dans le champ électrique. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une autre solution, une particule d'énergie négative, on ne savait pas trop quoi en faire. Mmh. Et quelques années plus tard, il a dit « Ah ben, ça serait peut-être une antiparticule, une particule qui en fait irait dans le sens contraire du temps ». Et deux ans plus tard, en 1932, on a découvert l'antiparticule, l'antiélectron, qui a effectivement qui satisfait cette même équation de Dirac. Ouais. Et expérimentalement, on a produit des antiprotons à partir de collisions de protons en 1955. Donc, pour ça que la surprise était moins forte qu'annoncée. Ouais. Et donc, votre métier, Marie-Hélène Schön et Pauline Comini aussi, dans vos expériences, c'est de casser du noyau, alors, comme on entendait dans l'extrait tout à l'heure, ou pas? Alors, pas dans mon cas. Moi non plus. Non. Voilà. Sauf si... nous, on casse des protons, là, actuellement. Ouais. On casse plutôt les protons. Mais des casseurs de noyaux, on en croise au CERN. Il y en a aussi, oui. Il y en a quand même. Bon. Hazard Khaled-Barry, donc le pari ce soir pour vous aussi, en tant que journaliste de Science et Avenir, puisque c'est le partenaire de cette soirée, c'est de pouvoir expliquer au grand public, c'est vraiment votre mission, ce qui se cache derrière cette histoire d'antimatière. Et ça n'est pas si simple que ça, quand même. Oui, alors il faut aussi reprendre les choses dès le départ, parce que finalement, la grande question, c'est où est passée cette antimatière dont toutes les hypothèses, toute notre compréhension de l'univers suppose qu'on a créé autant de matière que d'antimatière. Mmh. Et finalement, si nous sommes là, c'est parce que la matière a vaincu, mais cette asymétrie est très très faible puisqu'elle est d'un milliardième. Donc, pour ma part, je pense qu'il y a tellement de choses incroyable et d'ajustement de choses très très très très fines que l'on pourrait il y a matière à étonner beaucoup de gens. Ah, effectivement, oui. Et puis l'antimatière fait fonctionner beaucoup de récits de science-fiction et de fantasmes aussi. Bien sûr. On a souvent parlé de sources d'énergie incroyables. On sait par exemple que les calculs montrent que pour aller vers Mars, 10 mg d'antimatière suffiraient. Bon, bien sûr, pour propulser un engin. On est très très loin, bien sûr, de maîtriser tout ça, mais tout ça fait que l'envie et la fascination, j'espère, seront au rendez-vous. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mystères et puis à la fois on est capable de maîtriser cette antimatière. C'est ça qui est quand même incroyable, au point même de pouvoir l'utiliser pour des applications, comme on va le voir ensemble dans un instant. Donc il y a une partie, Pauline Comini, qui est totalement abstraite et au contraire quelque chose de très concret. C'est presque contradictoire quand même tout ça, non ? Sur le fait de manipuler de l'antimatière. Ouais. Quelque chose dont on ignore beaucoup d'éléments quand même. Oui, effectivement. Donc, dans le cas de nos expériences, en fait, on en reste à chercher quelles sont les propriétés fondamentales de cette antimatière. Et notamment, on va faire des tests extrêmement précis pour voir si on distingue une différence entre la matière et l'antimatière. Ouais. Qu'on en est vraiment encore à chercher, à cerner les propriétés de l'antimatière. Ouais. Alors Jérôme nous envoie un message sur franceinter.fr. Il nous dit « Si l'égalité parfaite entre les particules et les antiparticules au début de l'univers s'était maintenue, la vie sur Terre aurait-elle été absente, Guy Wormser ?» Ah oui, tout à fait. On ne serait pas là pour en parler. Bah, très probablement, ou alors il aurait fallu avoir une séparation un peu bizarre, disons, d'un monde de matière d'un côté, un monde d'antimatière de l'autre, mais la frontière a été très agitée, hein, donc ouais. C'est pas facile à imaginer. En fait, on a observé des différences entre matière et antimatière, et ça a donné un prix Nobel en 2008. Mais la question, enfin, le problème, c'est que c'est pas assez. Ce qu'on observe, c'est ce que le modèle prédit. Mais c'est pas assez pour expliquer la symétrie de l'univers. Donc on est dans une sorte de paradoxe où la théorie nous prédit une asymétrie qui est exactement celle qu'on mesure, et c'est pas assez pour expliquer la symétrie de l'univers. Mmh. J'ai un collègue qui aime bien faire les petits calculs. Hein. Oui. Et alors il a calculé que si on prenait simplement cette asymétrie matière-antimatière telle que on la mesure au niveau de la physique des particules, alors on pourrait sur un être humain on pourrait expliquer la quantité de matière correspondant à un cil. De matière ou d'antimatière ? De matière. Sur un être humain, le taux de différence de comportement, ça serait l'équivalent d'un cil ou d'un petit osselet dans l'oreille. Donc un truc vraiment beaucoup trop petit. C'est ce dont parlait Hazard tout à l'heure, Khaled Barry. Hein, c'est ça le milliardième de différence. Donc ça, c'est ce que dit la physique des particules. Ouais. Et en même temps, ce que dit l'univers, ben, il faut beaucoup plus que ça. C'est ça. Donc il y a cette asymétrie qui est l'excédent, ce petit excédent de matière finalement qui a fait basculer l'univers dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. Et donc en physique des particules, on étudie les différences de comportement entre matière et antimatière, parce qu'on en produit d'antimatière, comme Pauline disait, et donc on va étudier les différences de comportement. Ouais. Jean demande, l'antimatière et la matière ont-elles les mêmes propriétés physiques, et sinon, qu'est-ce qui les différencie ? Qui veut répondre ? Alors Pauline Comini, par exemple ? Eh bien, sur les expériences que nous on fait, eh bien justement, on ne trouve pas de différence pour l'instant. Au contraire des expériences sur LHCb, où là, vous allez voir justement une violation de symétrie, c'est ce qu'on appelle, entre la matière et l'antimatière. Mais nous, de notre côté, eh bien, plus on pousse la précision sur nos mesures et plus on ne trouve aucune différence. Mais alors, comment on peut le comprendre ? Alors, si d'un côté, il y a une équipe de scientifiques qui ne trouve pas de différence et l'autre qui en trouve, alors... Parce que ce sont des propriétés assez différentes. On ne teste pas les mêmes interactions, finalement. D'accord. Mais c'est compliqué, ça, à concevoir, alors. C'est les interactions, il y a différents types d'interactions dans la vie. En physique, il y a par exemple la gravité, il y a l'électromagnétisme, puis il y a d'autres forces, par exemple la force faible, c'est la radioactivité, la force forte, c'est la cohésion des protons dans les noyaux. Bon, mais si certaines vont respecter, certaines vont violer la symétrie matière-antimatière. Mmh. Donc certaines, dans certains cas, matière et antimatière ne vont pas se comporter de la même façon, pour l'interaction faible, en fait. Alors, nos auditeurs sont très curieux de savoir exactement ce que vous observez, précisément dans vos expériences. Alors, on va commencer avec vous, peut-être, Pauline Comini, savoir petit peu ce que vous faites, là. Il y avait des gens qui étaient curieux de savoir à quoi ça ressemble, l'antimatière. Absolument, exactement. Alors, il y a deux réponses, on va dire. La première réponse, c'est qu'on ne sait pas, on ne peut pas la regarder directement. Pourquoi ? Malheureusement, parce qu'en fait, quand on la manipule, on doit la piéger. Et à un moment donné, pour la voir, il faut pour la détecter, en fait, on l'annihile. Donc malheureusement, ce qu'on voit, c'est l'annihilation. Et jamais l'antimatière directement. Ouais. Je vais mettre une nuance, parce qu'actuellement, on a des expériences qui vont commencer à interroger, par exemple, des atomes d'antihydrogène. Et notamment, de regarder, en fait, s'ils ont la même couleur qu'un atome d'hydrogène. Et donc là, on a une réponse cette fois. C'est-à-dire qu'ils ont été faire des mesures très précises, à nouveau. Il n'y avait pas besoin de ça pour dire que oui, pour l'instant, avec les mesures qu'on fait, l'atome d'antihydrogène, a la même couleur que celui d'hydrogène. Donc si on veut s'imaginer un gaz d'antihydrogène, eh bien, il aurait exactement la même tête qu'un gaz d'hydrogène. Bon, sauf qu'il s'appelle anti, finalement, par rapport à l'autre. Un complément de réponse, justement, Marie-Hélène Schuhn, sur ce que vous observez et à quoi ressemble l'antimatière ? Alors, l'atome d'antihydrogène, il est neutre. Et ce qui différencie matière d'antimatière, c'est ce qu'on appelle leur nombre quantique, et le plus connu, c'est la charge électrique. C'est-à-dire, une particule son compagnon antiparticule, il a la même masse, il a la même durée de vie, mais il a une charge électrique opposée. C'est-à-dire que le positron dont parlait Guy, eh ben, il a une charge opposée à celle de l'électron. L'électron, sa charge, c'est moins 1 dans des unités simplifiées, et le positron, c'est plus 1. Mais ils ont la même masse. Mais moi, ce que je trouve très intéressant dans la différence qu'on observe entre matière et antimatière, c'est qu'on peut qualifier ce qu'est la matière de façon non ambiguë. C'est-à-dire que ce qu'on observe dans l'expérience dans laquelle Marie-Hélène travaille, c'est si on prend des particules qui contiennent un quark B, ils vont se désintégrer dans un certain canal de façon plus fréquente si c'est de la matière que si c'est de l'antimatière. Donc ça veut dire qu'on c'est une définition universelle de la matière et c'est effectivement une différence de propriété tellement faible et rare que l'antimatière ressemble pour tous les aspects de la vie quotidienne ou de la vie scientifique, ça ressemble à de la matière. Mais néanmoins, on est capable, en observant par exemple un milliard d'événements de quark B, de voir que eh bien, un quark B+, enfin, va pas se désintégrer, et un méson B+, par exemple, va pas se désintégrer de la même façon qu'un méson B-. Donc, on peut lui mettre une étiquette. Et il y a du boulot au hasard qu'à l'Adbari ce soir. Hein, oui, j'aimerais ça. On se regarde tous les deux en écoutant nos scientifiques, en se disant, aïe, aïe, aïe, hein, il va falloir y aller. Hein. Oui, simplement en disant qu'il nous faut traquer des indices de différence de comportement. Mmh. Alors, ça peut être une différence de manière de désintégration. Et ça, donc, ça c'est vraiment important à traquer pour essayer de déterminer où est passée toute cette antimatière. Merci Azar Khaled-Barry. On se rejoint dans un instant et les messages des auditeurs sur franceinter.fr. Et à l'instant, c'était Recommencer avec la voix d'Hubert Lenoir sur France Inter. La tête au carré. Vous pensez sans doute que l'espace est quelque chose d'excessivement vide. Eh bien, n'allez surtout pas croire ça. L'espace, en ce temps-là, en tout cas, a été bourré de choses et d'autres, de quantités de trucs et de machins. Pour tout dire, l'espace n'était pas très, très espacé. Il était plein de ce qu'on appelait l'antimatière. L'antimatière était comme de la matière ordinaire, sauf qu'on la voyait pas. Quand il y avait de la vraie matière qui apparaissait à un endroit, il y avait aussitôt de l'antimatière qui apparaissait à un autre endroit. Vous fabriquiez une casserole quelque part, tant qu'il y avait une anti-casserole qui apparaissait autre part. Mais on pouvait très bien, à l'aide d'anti-marteau, par exemple, transformer une anti-casserole en casserole. Il suffisait de taper dans le vide, mais au bon endroit. Dès que l'anti-casserole était transformée en casserole, il y avait aussitôt quelque part dans le cosmos une vraie casserole qui se transformait en anti-casserole, c'est-à-dire en rien du tout. Tout cela prouve bien qu'à force de taper sur rien, il finit toujours par en sortir quelque chose. Et réciproquement. Et il y avait de la science dans les Shadok aussi autour de l'antimatière. Ça, c'était en 1974. Donc, vous allez pouvoir nous parler anti-casserole plutôt que de Quark B ou de Maison B, Marie-Hélène Chun, par exemple. Oh ouais. Alors, hein, on part avec. Il y a des avec... choses qui vous inspirent là-dedans. On part avec un lot, avec un nombre d'anti-casseroles identique au nombre de casseroles. Et on regarde à la fin, combien il reste de casseroles brûlées et combien d'anti-casseroles pas brûlé. Voilà. Ben, vous voyez, c'est une façon, une analogie pour essayer de nous embarquer. Non, mais là, par contre, la conclusion des dans toute l'histoire des Shadok, il y a des choses qui nous ont fait un peu tiquer, mais la conclusion, elle est très vraie. Bon, voilà. Pauline Comini, d'accord avec ça aussi? Oui, ça me va. Bon. Et l'antimatière a été un outil d'exploration scientifique incroyable, puisqu'on a construit des accélérateurs où justement on faisait collisionner un électron avec un anti-électron. Et ça produisait, comme dit dans les Shadok, de l'énergie. Oui. Et cette énergie se retransforme en toutes les possibilités que la nature accorde. Et en mesurant tous ces produits de retransformation de l'énergie, c'est comme ça qu'on a fait des progrès fantastiques en physique des particules. Et toujours le même nombre de matière et d'antimatière à chaque fois, ça c'est important. Mais j'en profite pour faire un peu cocorico, parce que les premières collisions entre un électron et un positron ont eu lieu dans un accélérateur qui s'appelait ADA en 1963, dans le laboratoire dans lequel Marie-Hélène et moi travaillons. Voilà, c'est ça. Et alors, on a commencé quand, justement, à se faire s'entrechoquer les particules entre elles? Parce que c'est encore plus ancien, en fait. Dès les années 30, c'est ça C'est une idée d'un physicien italien, Bruno Touchek, qui, en 1960, s'est rendu compte que ce serait excellent au niveau de l'énergie produite, de faire collisionner. Hein, c'est comme deux voitures qui vont l'une sur l'autre, ça fait plus d'énergie. Mais il n'y avait pas d'outils avant, précédemment. Pas de collision. On accélérait les particules en rond et on les envoyait sur une cible. C'est-à-dire une voiture sur un poteau. Ouais. Là, on faisait deux voitures en face l'un de l'autre. C'est la méthode qui a changé, finalement. Et le formidable, si vous voulez, comme dit exactement dans les Shadok, c'est que un électron, un positron, quand ils vont se rencontrer, ils vont disparaître complètement, produire de l'énergie, secouer cet espace vide dont parlent les Shadok et produire tout un tas de merveilles. Marie-Hélène Chun, est-ce qu'on aurait pu imaginer justement vraiment un univers avec en parallèle de l'antimatière et de la matière? Ça aurait été imaginable, ça? Je pense qu'il y a eu des théories qui en parlaient, qui l'imaginaient. Et Qu'il aurait fallu comme condition finalement pour que cela puisse exister? En fait, ce qui a tué ces modèles-là, c'est le fait que à l'interface, comme Guy expliquait, matière antimatière s'annihile, donc à la limite entre une partie de l'univers qui serait parce que univers anti-univers, là, je peux pas répondre, mais disons, il y a eu des théories qui disaient galaxies anti-galaxies, des zones comme ça, mais à l'interface, on aurait vu des signaux très clairs, des signaux de lumière extrêmement clairs, qui d'ailleurs sont les mêmes que ceux dans l'idée qu'on utilise dans les applications, je crois. Oui, Azar Kaladbari. Alors, ça, c'est quand même fascinant tout ça, parce que d'abord, ça fait bosser beaucoup de scientifiques quand même. C'est-à-dire qu'on réfléchit à cette question. Mais oui, ça nous paraît complètement étranger et très, très bizarre, mais non, c'est très concret dans la physique. Bien sûr, parce que lorsque matière et antimatière se rencontrent, il y a annihilation émission de rayons gamma, de rayons très énergétiques. Mmh. Et on peut se demander, vous savez, lorsqu'une étoile se forme, c'est parce que la matière s'effondre, un nuage de gaz s'effondre. Et comment est-ce que l'antimatière pourrait aussi s'effondrer et former une anti-étoile. Donc, ce sont des hypothèses qui ont donné lieu à pas mal de réflexions, mais aussi aux récits de science-fiction. Oui. Et notamment, je me rappelle lorsqu'en 95, il y a eu 9 anti-hydrogènes qui ont été fabriqués. Simplement 9 anti-atomes. Les questions des lecteurs à l'époque étaient vraiment très, très étonnantes parce que on se demandait, mais puisqu'ils ont la recette, pourquoi en fabrique-t-il seulement 9? Ah ouais. Et donc toute la difficulté était d'expliquer que, eh bien, il faut isoler cet anti-atome de l'atome pour qu'il n'y ait pas d'annihilation. Et puis, comment l'isoler? Eh ben, ça, c'est un très, très gros problème. Ouais. Est-ce qu'on en a fabriqué de nouveau depuis cette date, Pauline Comini? Oui, et oui, qu'est-ce oui. que ça veut dire fabriquer un atome ou un anti-atome d'ailleurs? C'est-à-dire quoi concrètement dans vos cuisines de physiciens? Alors, effectivement, donc ça va être vraiment de la cuisine, ouais. ou à la limite de l'horlogerie, l'orfèvrerie, parce qu'on va venir sertir, en fait. Alors, pour un anti-hydrogène, c'est la composition, ça va être un anti-électron et un antiproton, donc qu'on va essayer d'assembler. Donc ça, c'est ce qui a été fait dans des pièges, où on piégeait ces deux types de molécules, et ensuite on les amenait à se rencontrer. Et donc ce qui fait que c'était difficile d'obtenir de l'antihydrogène, c'est que déjà, quand on les rencontre, les collisions sont assez rares. Donc il faut attendre qu'elles soient efficaces. Mmh. Mais actuellement, donc les techniques se sont vraiment améliorées. Et donc par exemple, on a une expérience qui a beaucoup de succès au CERN, qui s'appelle l'expérience Alpha. Et donc toutes les 10 minutes, ils vont avoir une centaine d'anti-atomes d'hydrogène. Mais voilà. C'est-à-dire quoi, de nouveaux anti-atomes? Voilà, à chaque fois ils en fabriquent. Ah oui, donc on est passé à de l'industrie là, quasiment. Voilà, hein. Voilà. C'est vraiment beaucoup. Alors maintenant, parce qu'on c'est ça par rapport à ces fameux neufs, parce qu'on maîtrise. En plus, c'est même plus que ça, parce que là, c'est ceux qu'ils arrivent à garder. Oui, c'est ça. Mais en fait, ils en produisent beaucoup plus. Ouais. On va être plutôt de l'ordre de quelques milliers. Donc, il y a un savoir-faire maintenant. On pourrait tout presque dire les choses tout comme ça. Et on sait. Alors, ça sert à quoi, Marie-Hélène Schön, de fabriquer des atomes ou des anti-atomes, là, en l'occurrence? Pour étudier leur comportement, pour voir est-ce que ça va être pareil, est-ce que Pauline, elle s'amuse, elle veut voir si ça tombe, si ça subit la même gravité, est-ce qu'un atome d'hydrogène va tomber de la même façon qu'un anti-atome, qu'un atome d'anti-hydrogène, des choses comme ça. C'est pour étudier leurs propriétés fondamentales. Vous êtes d'accord avec ça? Vous vous amusez avec ces choses-là? Vous essayez de dompter finalement? Oui, heureusement qu'on s'amuse un petit peu quand même. Ouais. Ce serait dommage de ne pas s'ennuyer. L'annihilation, vous allez en parler ce soir à Zarqalad Bari, hein, parce qu'on l'évoque là, mais c'est important quand même. C'est important de se rendre compte de toute la difficulté qu'il y a à produire et à isoler l'antimatière et à fortiori justement de fabriquer des moteurs à antimatière quand on comprend l'annihilation. Oui, absolument. Mais... ça pose quelques problèmes techniques. Mm-hmm. Guy Wormser. Voilà, non, je voulais dire, c'était cette annihilation, c'est aussi la base de l'utilisation, disons, quotidienne de l'antimatière, puisque. Alors, allons-y, c'est intéressant aussi, c'est du concret. De l'imagerie médicale, on fait ingérer à un patient du fluor, et le fluor est un isotope particulier du fluor qui, spontanément, va produire de l'antimatière. Hein, parce que la nature n'est pas avare de production d'antimatière. Mmh. Simplement, évidemment, c'est dur de les garder. Mais ce fluor va émettre donc un positron qui va, si on accroche bien le fluor dans une molécule idoine, il va se fixer par exemple sur une tumeur. Mmh. Et ce positron émis par le fluor va se désintégrer sur place parce qu'il va trouver plein d'électrons autour. Et donc, on va avoir l'émission de 2 photons. Et ces photons vont traverser le corps et peuvent être mesurés. Et donc, en faisant la cartographie de tous les photons émis, on voit avec une très très grande précision là où s'est fixé le fluor. Ouais. Donc, c'est l'antimatière sert de cartographie, si vous voulez. Donc, en cancérologie, concrètement, on l'utilise hôpitaux, pour détecter enfin, les tumeurs, les par exemple, hein, c'est ça? Oui, oui. Il y a d'autres applications, Marie-Hélène Schön? Non, mais dans la banane de mon goûter, il y en a. Ah bon ? Ouais, de la vôtre aussi. Enfin, c'est pas juste. Voilà. C'est toutes les 75 minutes, il y a un positron qui est émis. Quand on mange une banane ? Quand on n'a pas besoin d'en manger. Ça émane de la banane. Ouais, ouais. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est pas spécifique à la banane quand même. Parce qu'il faut. C'est le potassium. Hein, ouais. Donc, y a pas mal de potassium dans la banane. C'est quoi. Ça. Mais voilà. On peut en trouver ailleurs. On peut en trouver ailleurs. Par exemple, si vous. Oui, ça peut être le corps humain. Ça peut être simplement les bâtiments qui vous entourent. Mm-hmm. Par exemple, dans un bloc de béton d'une tonne, vous allez avoir un à deux positrons qui sont émis toutes les minutes, toutes les secondes en fait. Oui. Donc il y a de l'antimatière qui nous entoure. Donc il y a toujours un peu d'antimatière, ouais. Plus ce qui nous arrive de l'espace par les rayons cosmiques. Donc il y en a toujours un tout petit peu. Allez, on va retourner dans les années 1963 parce qu'on aime beaucoup cette série de Lina autour de l'antimatière. Vous allez voir, ça va beaucoup vous plaire. Pour casser les noyaux, on peut se servir d'un cyclotron. Cette opération est dangereuse. Les projectiles utilisés, qu'ils s'appellent protons, neutrons, deutons ou électrons, sont non seulement capables de briser les noyaux des atomes qui leur servent de cible, mais encore ceux des atomes qui forment le corps humain. De plus, les parois de l'appareil, bombardées par les projectiles minuscules, sont devenues radioactives, d'où la présence de ces compteurs GGR. J'ai bien compris, monsieur Langevin, on pourrait appeler ça la machine à casser les noyaux, non ? En quelque sorte. Enfin, ouais. C'était d'ailleurs une des premières machines à casser les noyaux dans le monde. Ouais, ce qui me semble alors extraordinaire là-dedans, c'est que vous arriviez à manier donc des morceaux de matière extrêmement ténus, aussi ténus que ça, avec quelque chose qui ressemble à la chaudronnerie de ma grand-mère. En fait. Il ne faut pas oublier que ce cyclotron a été fabriqué en 1937 et par conséquent, la technique des laboratoires de l'époque relevait effectivement de l'atelier de chaudronnerie de votre grand-mère. Voilà, et c'était la voix de Michel Langevin, le petit-fils de Paul Langevin, voilà, dans ce sujet de 1963. Voilà, les analogies sont utiles, hein, à Zarkalat Bari. Tout à fait, parce oui. Que il la faut cuisinière en de la grand-mère, voilà, sûr. Pour ne pas écarter trop le public. Voilà, ouais. Et la chaudronnerie aussi, voilà. Ça y ressemble encore un peu quand on voit tous les tuyaux qu'on a. C'est vrai. Les tuyaux dans lesquels, en fait, il y a du vide pour garder notre antimatière. Donc, ouais. Ouais, effectivement, chaudronnerie, pourquoi pas. Ouais. Beaucoup d'inox, mais c'est vrai, il y a beaucoup de tuyauterie en tout genre. On va parler de moule à gaufres parce que cette première machine ADA dont je parlais tout à l'heure, celle qui a réalisé les premières collisions d'électrons et de positrons, on injectait les électrons d'un côté de la machine et pour injecter les positrons, on prenait la machine, on la faisait un flip-flop de 180 degrés comme une gaufre et on injectait les positrons. Ouais. Alors maintenant, c'est imaginer de renverser comme ça un anneau de 27 km au CERN, c'est un peu plus dur. Ouais, mais cette machine ADA faisait un mètre de diamètre. Donc c'est une vraie machine à gaufre, effectivement. Voilà, vous avez tout à fait raison. Allez, les questions des auditeurs. Rémi nous dit ceci. Peut-on imaginer que l'antimatière se trouve dans un endroit que nous n'avons pas la capacité de voir comme un monde parallèle ou un lieu dans un autre espace-temps? Non, alors, on peut l'imaginer, Pauline, mais comme Dominique. On ne peut pas le tester, eh bien... Tout est imaginable, mais il n'y a pas de vérification pour l'instant ou de preuve expérimentale. Alors, la matière noire, eh bien, on a plein de questions sur la matière noire. Alors, ça va être très vite répondu apparemment. Par exemple, Philippe nous dit, est-ce que la matière noire que nous n'arrivons pas à détecter ne serait pas par hasard de l'antimatière? La galaxie ne baignerait-elle pas dans de l'antimatière? Heureusement que non. Alors, Pauline Comini. Bah, heureusement que non, puisque si c'était effectivement de l'antimatière, eh bien, la galaxie pourrait pas exister, puisqu'on aurait de l'annihilation entre ce bain d'antimatière et notre galaxie. On serait tous annihilés. Donc, voilà. Donc, malheureusement, non. Donc, pas de baignade, dans l'antimatière. Non. Jean nous dit, l'antimatière et la matière ont-elles les mêmes propriétés? On en a déjà parlé tout à l'heure. Et puis, cette question, puisqu'il faudrait trouver dans l'univers quasiment autant d'antimatière que de matière, puisque l'antimatière repousse la matière, puisqu'on ne peut pas voir l'antimatière ne serait-elle pas cette matière noire qu'on ne voit pas et qui repousse sans cesse la matière et se traduit ainsi par l'énergie noire? Eh bien, repousser non plus. Non, elle ne repousse pas. L'antimatière ne repousse pas la matière. À part peut-être la gravitation. C'est la seule option qui nous reste. Ouais. Oui. Mais s'il y avait, si elle s'était repoussée, etc., on verrait, à la limite entre les deux, des signaux caractéristiques qu'on ne voit pas. Et la science, c'est ça. Il y a des théories, mais il faut les tester. Et c'est si ça. L'expérience, elle dit... Non, avec la précision que j'ai actuellement, je ne vois pas. Alors, donc pas d'association possible en ce qui concerne la matière noire, matière et l'antimatière. Et antimatière. Disons que attention, Guillaume, ça peut-être. Je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais simplement, il faut préciser que la matière noire est une particule. Si elle existe sous forme de particule, interagit très faiblement. et elle pourrait être sa propre antimatière. C'est-à-dire qu'une particule de matière noire peut être à la fois matière et antimatière. Et ah donc, oui. Elles peuvent s'annihiler entre elles. Et là, c'est pareil que ce que Marie-Hélène dit, on ne voit aucune trace de cette annihilation. Donc en fait, l'antimatière sert à détecter éventuellement des traces de matière noire. Mais on n'en trouve absolument pas. Donc c'est aussi l'absence d'antimatière dans l'univers, d'antimatière primordiale, c'est-à-dire pas l'antimatière que produirait un proton en tapant dans l'atmosphère, mais nous empêche d'avoir à la fois ces rêves de d'anti-galaxies qui nous enverraient des antiprotons et aussi des fortes concentrations de matière noire, par exemple dans le Soleil, où on aurait à ce moment-là annihilation de particules de matière noire. Et on verrait les traces de cette annihilation, on ne voit pas de traces d'annihilation. Bien, donc Azar Khaled-Barry, ce soir, même chose, il faut vous attendre à avoir ce genre de questions de la part du public, hein, parce que vous prévoyez déjà des choses... ouais. On peut même avoir des questions un peu spirituelles, enfin sur ces mystères un petit peu quand même de la physique. Hein. Est-ce que vous allez y répondre? Parce qu'on en a eu, nous, sur le site de la Tête au Carré. Je pense que la question de savoir pourquoi y a-t-il plus de matière que d'antimatière n'est pas vraiment une question scientifique. Ouais. Donc nous allons laisser ça de côté. Ça va être un peu... Dans l'étude, ce qu'on disait tout à l'heure un peu avec Guy, c'est que dans le monde des particules, elles sont rangées en trois familles et l'existence, le fait qu'il y ait trois familles et pas une ou deux, induit une asymétrie entre matière et antimatière, mais pas la bonne dose, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Mais ça en induit une. Donc, il y a mais alors, on repousse la question plus loin. Pourquoi trois familles? Voilà. Et puis, hop, c'est surtout le processus que l'on va expliquer, le comment, mais pas vraiment le pourquoi. Absolument. On est toujours dans ce cas-là. Demande Jocelyne, notre monde pourrait basculer dans l'excédent d'antimatière un jour, puisque là, il y a un excédent de matière. Est-ce qu'on pourrait un jour connaître l'inverse ou c'est absolument inimaginable eu égard aux lois de la physique? Non, on peut dormir tranquille. Ouais, on peut dormir. Non, mais c'est vrai, la question est intéressante. Non. Et puis quand bien même, ce serait un basculement, si c'était un basculement immédiat, elle ne verrait pas de différence. Absolument, s'il y avait une antigalaxie quelque part, s'il y avait une antigalaxie avec une antiterre, etc., ils auraient les mêmes lois de la physique que nous. On ne peut pas savoir. C'est une question de définition. Par contre, c'est quand on se rencontre où là, il faut faire attention. Ouais. Mais sinon... Mais justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut savoir, en fait. On peut savoir si on a le bon outil dans sa poche, qui est un accélérateur de particules. Ouais. Si on a un accélérateur de particules dans sa poche, on peut définir... La droite et la gauche. Et donc, c'est très intéressant, ça, si vous avez un ami martien qui vous téléphone et qui veut venir vous voir, vous lui dites de faire l'expérience et comme ça, vous savez si lui est fait de matière ou d'antimatière. On peut le détecter, mais c'est la seule façon connue actuellement. Donc, il faut toujours se munir d'un accélérateur de particules dans sa poche. Ange et démon, Ron Howard, en 2009, la rencontre justement entre la matière et l'antimatière. Petit extrait dans cette Tête au Carré. Est-ce que c'est la flasque qu'on vous affolait, mademoiselle Vetra? Cette flasque contient une substance hautement explosive, nommée antimatière. Il faut la localiser immédiatement ou faire évacuer le Vatican. On n'a jamais eu vent d'antimatière dans cet usage. Parce qu'on n'en avait encore jamais généré en quantité suffisante. C'est une méthode d'étude des origines de notre univers. S'efforcer d'isoler ce que certains n'hésitent pas à appeler la particule de Dieu. Mais il y a des applications dans la recherche énergétique. La particule de Dieu? Peu importe le nom qu'on lui donne. C'est ce qui confère sa masse à toute matière, la chose sans laquelle nous ne pourrions exister. Ce dont vous nous parlez, c'est de l'instant I de la création. Oui, d'une certaine façon. L'antimatière est suspendue à l'intérieur. Mais si elle devait cesser d'être en suspension et tomber en contact avec de la matière, disons le fond de la flasque, ces deux forces opposées se détruiraient l'une l'autre avec violence. Quelle violence? Un cataclysme absolu. Un commentaire, Marie-Hélène Schune, sur cet extrait. Dites-nous exactement ce que vous venez de dire hors antenne en entendant Ange et démon, s'il vous plaît. J'ai dit, oh là là là là là. Vous avez dit, oh là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, voilà. La particule de Dieu, c'était, alors le film date de 2009, donc c'était même avant la découverte du boson de Higgs. Oui, qui n'a pas, le rapport. C'était le nom entre qu'on donnait au boson de Higgs. De Higgs, voilà, ouais. Oui, donc déjà, c'est un... j'aime pas trop ce nom-là. Ouais, la particule de Dieu, c'est oui, ce nom. J'aime pas trop le boson de Higgs, on comprend pourquoi, oui. Voilà, mais non, C'est... Oui, mais ça, c'est la liberté, Azar Kadet Barry, justement, de la science-fiction, qui a abondamment nourri ces affaires d'antimatière. Bien sûr. Après, voilà, ce que Marie-Hélène voudrait souligner, j'imagine, c'est cette confusion entre l'annihilation, matière-antimatière, et le boson de Higgs, qui est censé donner sa masse à toutes les particules. Ouais. Donc, et pourtant, ils étaient venus au CERN. L'équipe de tournage était venue au CERN et avait visité. Et, voilà. Mais je pense qu'ils n'en ont fait qu'à leur tête, de toute façon. Bon, après tout, c'est vrai, il y a la liberté de l'artiste. C'est important, c'est le spectacle. Oui. Nous aurons un clip dans Danger des mots en fin de soirée ce soir. Ouais. Donc, alors justement, Azar Kadet Barry, on va redonner tous les conseils à nos auditeurs pour aller vous rejoindre. Alors, ceux qui sont à Paris, mais également dans 15 villes de France. Vous en avez quelques-unes en tête, hasard des villes où on pourra assister à la soirée en simultané? Oui, alors pas toutes, Grenoble, Lyon, Marseille, Dunkerque. Voilà. Donc on va sur le site, la nuit de l'antimatière. Ça commence à 18h30. Hein, à 18h30, à partir de 17h30, les portes sont ouvertes et nous accueillons le public. Et donc, les choses sérieuses commencent à 18h30. Et c'est jusqu'à 22h30 hein, pour les parents qui sont effrayés de voir partir leurs enfants, même si demain il y a école. Ils peuvent y participer, donc où que vous soyez. La nuit de l'antimatière, c'est ce soir, 1er avril. Vous allez sur le site internet et vous avez tous les détails pour savoir où, justement, assister en direct. Et puis, il y a le site également pour ceux qui seront derrière leurs ordinateurs. Merci beaucoup à vous et passez une très bonne nuit donc avec votre sujet de prédilection. À bientôt.